Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Bailly. Ouais, j'ai eu un parcours peut-être un peu particulier en sciences, en technique. J'ai fondé Ghostye, qui est une start-up qui s'est spécialisée d'abord dans le développement d'outils de programmation pour les robots, avec pour objectif de devenir, en fait, très prétentieux à l'époque, une espèce de Microsoft de la robotique. Tout a commencé assez clairement par une passion pour la science, en me disant que c'était... J'étais passionné par comprendre le monde, comprendre comment on pouvait le faire évoluer, comment on pouvait faire des choses... Et assez naturellement, j'ai été porté vers la physique. Si on prend une petite anecdote, moi, j'étais passionné par la science, et puis j'ai vu un film qui s'appelait Retour vers le futur. Quand j'étais gamin, j'ai vu ça et j'ai dit, je veux faire ça, moi, je veux faire une machine à voyager dans le temps. Mais ça peut commencer aussi bêtement que ça, parce qu'évidemment, si j'ai commencé, je sais pas quel âge j'avais, 12, 13 ans, j'aurais pas fini aujourd'hui. Mais peu importe, parce que ce qui est important, c'est que voilà, ce film m'a fait rêver et m'a donné envie, de me plonger dans des bouquins de physique. Alors j'ai lu des trucs de physique nucléaire, de relativité, je comprenais rien, mais en fait, de temps en temps, je tombais sur un bouquin qui était quand même assez bien vulgarisé. D'ailleurs, il y a des très bons bouquins d'Einstein qui sont assez digestes, même si on n'est pas, en master de physique, et qui voilà donnent envie de faire de la science. Et puis là, on découvre que le monde est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fascinant, beaucoup plus étrange qu'on peut l'imaginer. Et en même temps, c'est réel. C'est mieux que de la science-fiction parce que on comprend assez vite qu'en science, on fait des observations, que ça correspond au modèle qu'on a trouvé, enfin en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait une contradiction, etc. Et puis la rencontre avec l'informatique. J'ai été inscrit, excellente idée de mes parents, d'ailleurs, dans un club informatique. Alors peut-être l'équivalent aujourd'hui, ce serait peut-être les clubs robotiques, d'ailleurs. On en reparlera, mais à l'époque, la robotique, ça n'existait pas vraiment. Et le sujet qui émergeait, c'était l'informatique. Et puis là, j'ai découvert la programmation. Encore une fois, une autre façon de transformer le monde, parce qu'on écrit un programme et il se passe quelque chose à l'écran et on peut faire ce qu'on veut. Ça m'a complètement fasciné. Et puis je me suis passionné d'informatique. Et ensuite, j'ai rencontré dans mes lectures, dans ma réflexion, l'intelligence artificielle. Alors, je me suis dit, c'est super si on arrive à faire une intelligence artificielle. Tous les problèmes de physique qui me passionnent et que peut-être j'arriverai jamais à résoudre au cours de ma vie, peut-être qu'une intelligence artificielle sera capable de les résoudre. Alors là, je suis parti avec des idées très naïves, j'ai essayé de faire une espèce de grosse base de données qui contienne tout le savoir actuel en physique pour pouvoir ensuite faire un moteur dessus qui allait lui poser des questions, puis avec un système de raisonnement, obtenir les réponses. Alors c'est marrant parce que c'est un peu Wikipédia et Wolfram Alpha aujourd'hui, ce genre de choses, mais bon, voilà. Et puis, je suis arrivé en classe prépa, et puis je suis toujours resté donc dans la science, j'ai découvert les mathématiques, les vraies maths, j'ai une maths intensive et puis la rigueur qui est avec. Mais j'ai conservé cette passion à la fois pour l'intelligence artificielle, la physique. Et c'est resté. Alors ensuite, jusqu'en classe prépa, j'avais ces deux passions et je voulais faire les deux. Enfin, je ne sais pas trop ce que j'allais faire. C'était à chaque fois un déchirement de choisir. Là, j'ai eu la chance d'intégrer Polytechnique, qui est une école très généraliste dans laquelle on peut aussi bien faire de la physique et de l'informatique et de l'intelligence artificielle en même temps. Les systèmes de majeurs, mais enfin on peut en fait assez facilement, je dirais, composer un enseignement assez varié. C'est d'ailleurs un des trucs super dans cette école, hein, c'est la capacité à avoir plein de sujets. On peut même faire, j'ai appris le piano, de la peinture, là, de l'histoire de l'art, donc c'est très très riche en termes de domaine. Mais donc en l'occurrence, là, j'ai toujours pas choisi quand j'étais à Polytechnique, puisque j'ai fait de la physique théorique. Et là, j'ai découvert la mécanique quantique, j'ai découvert des trucs encore plus bizarres. Enfin, c'était vraiment génial. Et l'informatique, avec un grand I, puisque jusqu'à cette époque-là, je bidouillais plutôt des choses à l'instinct. Et j'avais pas encore le background qu'on peut avoir dans n'importe quelle licence, master d'info, où on apprend vraiment les fondements du computer science, on va dire. J'ai appris beaucoup de choses dans ces deux domaines, et puis là, il a fallu que je choisisse, quand même, puisqu'à la fin de Polytechnique, j'ai décidé de faire une thèse, donc de partir toujours dans la direction de la science pour approfondir et comprendre mieux. Et là, je ne veux pas faire une thèse en physique et en informatique. Donc, je me souviens du moment où j'avais, en fait, j'avais postulé à deux DEA, donc des masters, on s'appelle, un en physique et en informatique. Puis j'avais les deux réponses qui étaient arrivées par mail. Ils disaient oui, ok, on vous prend. Et je me souviens de ce moment où j'ai choisi d'appuyer sur le bouton soit de l'un, soit de l'autre. Donc, c'était la bifurcation et je suis parti vers l'intelligence artificielle. Quand il n'y a pas de choix évident et toutes les raisons sont bonnes, là je me suis dit, l'intelligence artificielle, c'est une science beaucoup plus jeune. Alors, j'étais plus dans mon trip d'ado de « on va faire une IA qui va résoudre les problèmes de la physique », mais c'était juste un raisonnement où je me disais, c'est une science plus jeune, donc il y a sûrement plus de découvertes fraîches à faire. Et la physique est vénérable, etc. C'est une grande dame, il faut des gros accélérateurs, c'est plus lourd. Bon, c'est très certainement faux, voilà. Alors, je pense aujourd'hui... Les gens qui travaillent sur les ordinateurs quantiques, ce genre de choses, il y a énormément de choses qui sont à portée de main. Donc c'était probablement faux, mais ça fait rien. Je suis parti dans la direction de l'intelligence artificielle et j'ai fait donc une thèse que j'ai commencé à Paris 6. Et au bout d'un an, j'ai fait une rencontre assez, assez extraordinaire. J'ai rencontré une conf qui s'appelle ECAI. Quelqu'un qui s'appelle Luc Stiles, qui est un chercheur qui, en plus de sa carrière académique, dirige aussi un labo de recherche privé, qui est le labo de Sony Computer Science Lab, alors qui est à Tokyo, mais qui a aussi une antenne à Paris, et qui travaille sur des sujets qui allaient devenir, et qui sont toujours aujourd'hui mes sujets de prédilection, ma passion, qui sont l'évolution du langage chez des robots. C'est-à-dire on essaie de faire en sorte que des robots interagissent entre eux et développent entre eux et à leur manière un langage qui leur est propre. Ils ne vont pas apprendre l'anglais, ils vont créer une langue ex nihilo qu'ils vont forger par des interactions avec l'environnement et des interactions entre eux. Donc il y a une dimension sociale et une dimension d'interaction avec l'environnement. On parle de grounded, symbol grounding, c'est-à-dire ces agents vont créer des symboles qui vont être ancré dans l'environnement, donc c'est pas abstrait, c'est pas posé là par un expert. Enfin bref, voilà. Donc cet axe de recherche m'a fasciné. Ça s'inscrit dans un domaine plus large qui s'appelle la robotique développementale et qui inscrit la perspective de la quête de l'intelligence artificielle dans une logique développementale au sens où on va s'intéresser au développement cognitif, par exemple d'un enfant, et c'est ça qu'on essaie de reproduire. Donc pour schématiser, on va dire, c'est... Si on compare à l'IA classique, très formelle, où on essaie de résoudre des problèmes qui en fait sont des problèmes d'experts, donc des problèmes de gens qui sont déjà intelligents, ils ont fini leur phase de développement justement, on essaie de résoudre des problèmes de fin de partie, on va dire, et où le modèle archétypal c'est le joueur d'échecs, on va dire, à l'opposé, la robotique développementale, elle cherche pas à résoudre un problème, elle cherche à résoudre le mécanisme par lequel l'intelligence se construit et au terme duquel on a une intelligence capable de résoudre le problème. Et son modèle archétypal, c'est l'enfant, c'est le bébé en fait. Donc on démarre avec un bébé. Et si on arrivait aujourd'hui déjà à reproduire le développement cognitif et linguistique d'un enfant de 0 à, je sais pas, 24 mois même, ce serait déjà une percée extraordinaire et un immense progrès. Donc il y a plein de gens qui travaillent d'arrache-pied à ça. Luxteel, c'est le labo de Sony à Paris, en faisait partie. J'ai découvert ce domaine. Je lui ai dit, c'est exactement ce que je veux faire. Voilà, ça me propose une roadmap, voilà, une espèce de ligne directrice vers l'intelligence artificielle. Et puis, il se trouve que ce que j'avais commencé à faire en thèse l'intéressait aussi. Ça correspondait à des choses dont il avait besoin dans un certain nombre d'expériences qui étaient en cours. Et il a dit, OK. Donc, j'ai rejoint le labo de recherche de Sony, où j'ai fini ma thèse et puis j'ai continué un petit peu après. Et là, voilà, j'ai découvert un environnement qui est intéressant, on y reviendra sûrement, mais qui est un environnement de recherche en entreprise, mais de recherche fondamentale. Donc il y a, par exemple, je pense, une des différences, probablement, c'est l'importance des brevets. On ne publie pas des trucs importants sans qu'il y ait eu un brevet avant, etc. Mais c'est ce genre de différence. Mais sinon, sur les motivations des gens qui y sont, la recherche, la science... l'intérêt sur les problèmes à long terme, J'ai trouvé la même chose, alors avec des moyens qui ne sont pas les mêmes, des contraintes qui ne sont pas les mêmes, des charges administratives qui ne sont pas les mêmes. Donc, vraiment, j'ai trouvé vraiment très très intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à la science. Voilà. Après ça, j'ai rejoint l'ENSTA, qui est une école d'ingénieurs dans le groupe là, des écoles françaises, X, Mines, Pont, Télécom, etc., qui a des bons élèves. Et là, j'ai monté un labo de recherche en robotique développementale, robotique cognitive, et en plus voilà, de l'enseignement. Et pas énormément d'enseignement, parce que ça marche un peu comme ça à l'ENSTA, c'était possible à ce moment-là. Enfin, voilà, donc j'ai pu faire beaucoup de recherches. Et alors là, c'est intéressant parce que c'était donc de la recherche fondamentale, hein, l'évolution du langage chez les robots. Alors, il y a des applications, hein, si un jour on arrive à faire ça, ben, en fait, on pourrait imaginer mettre un robot dans une famille au Japon, en Corée, en France ou n'importe où, et puis ce robot se développe comme un enfant et acquiert les particularités culturelles, langage, etc. C'est génial, c'est une super application, mais clairement, on n'en est pas encore là et on n'est pas dans une logique commerciale. Donc c'était de la recherche fondamentale dans ce labo à l'ENSTA, qui s'appelle Cogrob, voilà, et qui existe toujours d'ailleurs, on en reparlera. Et en même temps, pour faire ça, par exemple, j'avais besoin d'outils techniques, d'outils informatiques pour programmer des robots. Alors c'était des robots Aibo de Sony. Bon, à la fois, je venais de Sony, mais en même temps, à l'époque, c'était aussi le seul robot et le meilleur robot pour faire un peu des choses un peu complexes. Donc évidemment, il y avait des robots Aibo. Ils n'étaient vraiment pas faciles à programmer de base, hein. Le système fourni par Sony était assez complexe. Et moi j'avais besoin d'outils de plus haut niveau en fait pour programmer ces robots. À la fois pour l'enseignement, parce que j'avais des élèves qui passaient sur 6 séances de cours, ils passaient 3 séances à comprendre dans les TP, à comprendre comment on faisait pour bouger un moteur d'une patte, enfin voilà. Et puis aussi pour mes recherches, parce que j'avais besoin d'écrire mes systèmes à des niveaux d'abstraction plus élevés que le C++ bas niveau, etc. Et donc j'ai construit par-dessus ça un outil de programmation de plus haut niveau, un langage de programmation qui s'appelle RubyScript, dans un truc qui s'appelle un middleware, qui s'appelle Ruby, bon, enfin bref, des outils, voilà, qui apportaient aussi des nouveautés. Donc il y avait un côté recherche plus appliqué, puisque là c'était des recherches sur des langages informatiques. Alors là, je ne parle plus de l'évolution du langage en tant que langage, hein, c'est des langages de programmation, c'est un autre truc. Et au bout de 4 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché qui commençait à se développer autour de la robotique, en tant que produit, hein, et qu'il n'y avait pas de langage universel pour programmer les robots, qui étaient parfois très variés les uns les autres. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ma start-up et me lancer dans la création d'entreprise. Qui est complètement folle, hein. Je sais pas, j'avais un super poste à l'Instar, tout ça. Et à un moment donné, je sais pas, à un moment donné, les idées s'imposent, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, moi, hein, moi ça marche comme ça, le truc il a envie d'exister, quoi, il prend le contrôle. Donc là, la boîte avait envie de se développer, et donc j'ai fondé Ghostly, qui est une start-up qui s'est spécialisée d'abord dans le développement d'outils de programmation pour les robots, avec pour objectif de devenir, en fait, très prétentieux à l'époque, une espèce de Microsoft de la robotique. Et donc j'ai réussi à rassembler des fonds, à financer cette boîte, à la faire se développer. On est monté jusque 25 personnes. Alors là, je me suis éloigné de la recherche complètement, pour le coup, et j'ai découvert le monde du management et de la direction d'entreprise, la stratégie. De toute façon, dans une start-up, au début, on fait tout. Donc j'ai fait du marketing, du voilà, du management, des RH. C'est vraiment intéressant. C'est comme un MBA, à mon avis. Comment? Un MBA plus, peut-être, je sais pas. Bon, en même temps, j'ai pas fait de MBA, donc je peux pas forcément comparer. Mais en tout cas, c'était très très intéressant, et je voyais d'un seul coup des problèmes, en l'occurrence de robotique, puisque c'était quand même le sujet de la boîte, d'un seul coup d'autres angles, sous d'autres facettes, qui était la facette de l'entrepreneur, la facette du businessman. Et ça, c'est très très intéressant, parce que on comprend beaucoup mieux la logique des autres. Quand on est dans un labo de recherche, on peut être confronté à des boîtes avec des logiques, des timings, voilà, qui sont différentes. On peut les comprendre intellectuellement, mais les vivre et les intérioriser, ça, je pense, c'est une expérience qui est vraiment très intéressante. Et puis après, cette boîte s'est développée, je viens de la vendre, donc voilà, et puis l'aventure continue. Il y a plein de choses à faire en robotique ou dans d'autres domaines, plein de choses à faire, mais je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut partir de la recherche fondamentale, et aboutir à la création d'entreprise et à l'entrepreneuriat. Ça, c'est pas forcément évident, comme ça fait pas partie des clichés qui traînent sur comment sont les choses. Et pourtant, je pense que c'est un schéma qui peut bien marcher, qui peut aussi ne pas bien marcher. Alors, pourquoi ça peut bien marcher ? Parce que je pense que pour créer une entreprise, il y a plein de raisons de créer une entreprise. On peut dire, voilà, il y a un marché bien connu, la vente de fleurs, j'ai un segment, une géographie, un truc où il n'y a pas de fleuriste, n'importe quoi, mais on analyse comme ça et on identifie un besoin précis, il n'y a pas trop d'innovation, mais on est efficace et on est dans le pur business. Mais il y a aussi, dans le monde des startups en particulier, la création de nouvelles technologies, de nouvelles approches. J'ai besoin d'une idée pour créer ma boîte, j'ai besoin d'une innovation. Et du coup, je pense que passer par la recherche, c'est s'offrir du temps pendant sa thèse et même après, si on poursuit, pour justement regarder les problèmes de fond, voir les choses qui bloquent, où on en est dans l'état de l'art, et éventuellement débloquer un verrou, débloquer quelque chose de difficile. Et arriver avec, à ce moment-là, entre les mains, une vraie proposition d'innovation et de valeur, on peut difficilement forger en ayant, je sais pas, un autre boulot à côté, parce que c'est un travail à plein temps de résoudre ce problème dur. Encore une fois, ce n'est pas la seule façon de faire une start-up, évidemment. Mais en tout cas, ça, c'en est une, je pense. Et une qui peut venir naturellement, tu vas dans la direction de la recherche d'abord. Et puis, on peut très bien rester dans la recherche parce qu'on s'y plaît. Mais je veux dire, par là, c'est aussi, il y a des tas de portes qui sont ouvertes ensuite vers la création d'entreprise. Et je disais aussi, ça peut mal se passer aussi parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure, il y a un changement de perspective. Donc il faut avoir une certaine flexibilité mentale ou un certain appétit pour se redéfinir, se réinventer, je ne sais pas, qui fait que ça va marcher. C'est quand on est chercheur et qu'on présente son concept ou ses idées, il est de bon ton de montrer les limites, d'être tout de suite dans une démarche critique, parce que c'est ça la science. La science, c'est je construis une théorie, je passe ma vie à essayer de la casser pour montrer qu'elle n'est pas vraie. Normalement, c'est ça. Donc on est dans cette démarche-là. Tout système, toute proposition, tout produit que vous allez faire va avoir ses limites. Et si vous passez pas rapidement dans un mode où, en fait, quand vous présentez vos idées, vous êtes dans un mode très positif, très ça marche, ça, et vous cachez un peu les trucs qui sont pas encore bien au point, etc., vous allez au casse-pipe. C'est un exemple caricatural de chercheur qui fait une boîte et qui vient vous présenter son produit en vous racontant comment ça marche pas. Bon, c'est un exemple, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Et donc, ça peut ne pas marcher, cette transition, parce qu'il faut savoir changer de perspective et avoir l'appétit pour le faire. Évidemment, pas avoir de mépris pour le monde de l'entreprise, c'est un no-go dans ce cas-là. Mais je pense que c'est une recette qui peut être assez à la fois originale, parce que c'est pas forcément courant, mais en même temps, pleine de bon sens. Voilà, on se donne du temps pour construire quelque chose et ensuite le transformer en produit. Et après, on peut revenir vers la recherche. Et après, si on a vendu sa société, qu'on a gagné un peu d'argent, on peut faire des choses. Enfin, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de porte fermée. Et dernier point aussi, quand on veut créer une entreprise et qu'on vient du monde de la recherche, eh ben, il y a énormément, en tout cas en France, il y a énormément de ponts qui sont offerts, de dispositifs gouvernementaux divers et variés. Parce que le gouvernement, enfin tous les gouvernements d'ailleurs, quelle que soit leur coloration, je veux dire, sont d'accord pour dire, en tout cas moi, tous ceux que j'ai vu passer, pour dire que c'est important de transformer au moins une partie des chercheurs en entrepreneurs, en créateurs de valeur. Ça ne veut pas dire tous, on a besoin aussi de chercheurs qui sont vraiment dans le fondamental tout le temps, etc. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable. Il ne faut surtout pas qu'on rentre dans un discours du genre un bon chercheur est un chercheur. Pas un chercheur qui trouve, et encore plus un chercheur qui crée de l'entreprise ou qui crée des emplois, parce que c'est pas non plus forcément son boulot. Enfin, ça peut arriver, voilà, la preuve, mais la recherche fondamentale est absolument essentielle. Encore une fois, si on faisant de la recherche fondamentale sur un truc qui n'a rien à voir avec le schmilblick de la société que j'ai créée après, que j'ai été amené à trouver des trucs qui ensuite ont été intéressants d'un point de vue marché. Deux mots sur Urbi et Urbiscript, ces outils de programmation de robots. Alors, Je suis assez précis dans mon vocabulaire parce que y a des choses qui sont un peu différentes. Wurbi, c'est un middleware, donc c'est un truc écrit en C++ qui permet d'avoir des composants qui dialoguent entre eux. On est sur des choses assez classiques hein, de ce point de vue-là. Il y a plein de choses dans le même genre, je sais pas, Corba, ICE, etc. Et ce middleware, il est orchestré, il est coordonné par un langage de script qui s'appelle WurbiScript. Bon, des fois les gens disent Wurbi, c'est un langage, voilà. Bon, alors, précisément, Wurbi, c'est un middleware et le langage s'appelle WurbiScript. Alors, ce langage qui permet de coordonner les différents composants dans le middleware, c'est quoi un composant, hein? C'est par exemple une classe C++ qui va faire du traitement d'image pour reconnaître un visage. Donc ce truc-là, il sait dire si un visage est à quelle coordonnée. Donc il y a un objet, hein, par exemple, qui va l'incarner et avec lequel on peut interagir. Et souvent, dans ces architectures middleware, aussi bien dans le jeu vidéo que dans d'autres domaines, on a un langage de script parce que on veut séparer en fait la partie vraiment intensive en termes de calcul, les algorithmes, le traitement d'image, etc. par exemple, de la glue qui permet de les connecter entre eux, c'est-à-dire de la logique du code, de ce qu'on veut vraiment faire au système. On veut le séparer d'abord parce que c'est beaucoup plus clair, c'est bien de séparer ces choses-là, parce que aussi la partie logique elle évolue beaucoup plus vite, donc ça pourrait être facilement manipulable. Les langages de script sont bien pour ça. Le langage de script, ça veut dire, en pratique, c'est pas un langage compilé, même s'il peut être compilé si on veut, etc. Mais c'est l'idée, c'est qu'on est dans des choses beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus faciles à manipuler. Bon, il y a moins de contraintes aussi sur ces langages. Je pense au type, par exemple, ce genre de choses. Donc, dans la catégorie des langages de script, on a des vétérans communément utilisés partout, comme Python ou LUA, voilà, dans le monde du jeu vidéo en particulier LUA, qui sont des langages très bien, voilà, qui ont plein de qualités, qui sont parfois très rapides ou pas, voilà, qui ont des bibliothèques de code disponibles assez larges. Donc, ça, c'est une force indéniable. Mais moi, pour la robotique, j'avais envie d'explorer un langage, donc WurbiScript, qui apporte des choses en plus pour le boulot d'orchestrateur, c'est-à-dire le boulot de coordination, de comportement, etc. Alors concrètement, ça veut dire que j'ai rajouté sur la base d'un langage qui est alors là, assez classique, enfin state of the art par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'on s'est permis donc de prendre un peu les bonnes idées modernes. Donc un langage classique qui fait tout ce qu'on attend d'un langage, les fonctions des boucles, des tests, etc. etc. De rajouter donc des fonctions spécifiques qu'on va mettre, on va dire, en deux grandes catégories, des fonctions de programmation parallèle et des fonctions de programmation événementielle. Pourquoi c'est important? Parce que dans un robot, on a constamment besoin de réagir à des événements qui arrivent. C'est comme ça que c'est organisé. Je dirais, structurellement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et évidemment, on a besoin de faire plein de choses en parallèle. Bon, déjà, d'ailleurs, quand on réagit à des événements, à partir du moment où on ne s'interdit pas de réagir à plusieurs événements en même temps, et pourquoi on le ferait, hein, genre, pourquoi on le ferait pas plutôt, on est forcément obligé d'avoir une forme de gestion du parallélisme. Alors, tous les autres langages que j'ai cités avant, Python, Lua ou même C++, permettent de faire ça. Hein, et on peut tout faire avec tout, c'est des langages complets, il n'y a pas de souci. Évidemment, le sujet ici, c'est de savoir avec quelle facilité on va pouvoir le faire, quelles abstractions le langage fourni aux développeurs, et de choisir en fait d'incorporer dans la sémantique du langage, dans son contenu, les choses dont on va se servir le plus souvent. Un autre exemple, sans parler du parallélisme et de la programmation événementielle, c'est vraiment la programmation orientée objet. Bon, on peut très bien faire de la programmation orientée objet en C. Donc, stricto sensu, C++ ne sert à rien. D'ailleurs, C non plus, on peut tout faire en assembleur. Donc, évidemment, l'arbitrage, là, il est très clairement sur OK, je fais des objets tout le temps, c'est vraiment au cœur de mon paradigme de programmation. Donc, je développe un langage qui intègre ce concept dans les choses qu'il manipule. Et puis, du coup, d'ailleurs, il va me permettre, parce qu'il comprend ce que je suis en train de faire, parce que les structures sont au cœur de sa sémantique, bah, il va me permettre de détecter des erreurs, d'aller plus loin. Il va m'aider, en fait, à comprendre ce qui se passe dans ce que j'écris et à trouver des erreurs. Donc c'est un peu la même logique avec l'injection du parallélisme et de la programmation événementielle dans un langage, c'est de se dire, voilà, on a besoin de parallélisme et d'événements tout le temps, donc mettons-les dedans. Donc concrètement, dans WurbiScript, vous avez pour le parallélisme, vous avez des séparateurs de commandes qui sont. Alors, dans les langages classiques, vous avez par exemple un point-virgule, ou un retour à la ligne, ça dépend des langages, pour indiquer la notion de séquentialité. Vous avez une instruction, puis une autre, etc. Et donc vous avez aussi un point-virgule dans WurbiScript, mais vous avez aussi un symbole, le et commercial, là, qui indique que les deux instructions de part et d'autre, ou les deux expressions en l'occurrence, eh bien, doivent s'exécuter en parallèle. Et donc vous pouvez combiner ça. En fait, il y en a quatre, hein, des séparateurs d'expression. Je ne vais pas rentrer dans les subtilités, voilà. Mais il y a quatre séparateurs qui permettent d'imprimer des contraintes temporelles un petit peu sur quand les trucs peuvent s'exécuter les uns par rapport aux autres. Et donc ça permet, par exemple en robotique, de coordonner vachement bien des mouvements de bras, de moteur, en disant certaines choses doivent avoir lieu en parallèle et d'autres doivent se suivre les unes après les autres, etc. C'est confortable, voilà, ça permet de faire ça de manière confortable. Et puis vous avez par rapport à ça aussi des outils pour contrôler tout ce qui se passe en parallèle avec des notions de tag. Donc vous pouvez taguer un bout de code avec un nom, en fait un tag c'est un objet comme les autres, donc vous pouvez le manipuler après. Et ce tag, vous allez pouvoir l'utiliser pour dire stop, et là vous allez arrêter le bout de code qui est tagué par ce tag. Freeze, vous le stoppez momentanément, et unfreeze, vous reprenez où vous en étiez. Et en fait, plein d'outils qui permettent de contrôler, de parler à du code qui est en train de tourner, et éventuellement de l'arrêter, de le mettre en background, de faire des tas de choses comme ça. Et ce sont bien sûr des outils intégrés au langage. Ces tags sont des objets comme les autres. Vous pouvez les manipuler aussi. Enfin, c'est des objets. Donc c'est assez, assez puissant. Et ça permet de bien faire ce travail de chef d'orchestre. Parce qu'en plus, il y a des instructions de programmation événementielle. On peut écrire, en l'occurrence, la syntaxe est at. Donc au moment où at une condition du code. Et ça va déclencher le code à chaque fois que cette condition devient vraie. Ça c'est très très pratique, c'est-à-dire dans certains types de domaines dont la robotique, bah, vous avez des hats partout, enfin, et voilà. Et puis ces hats ils sont tagués, donc on peut les friser, les mettre en pause, on va dire, dans certaines circonstances. Les tags en fait ils sont aussi structurés de manière hiérarchique, donc vous pouvez construire toute une hiérarchie d'actions, enfin, plutôt de domaines d'action pour votre robot, votre application, et puis les friser par partie, par exemple, tout ce qui est lié à des commandes moteurs, là hop, je freeze, donc il n'y aura plus aucune commande moteur qui passe. Ça permet de gérer voilà, une situation de crise, d'urgence dans un robot. Enfin, vous voyez, c'est des outils qui permettent très facilement de faire un travail de chef d'orchestre, d'orchestration, voilà, sur des dizaines ou des centaines de portions de code qui tournent en parallèle dans votre système. Voilà, et c'est très agréable à utiliser, en fait. Et c'est, après, moi, je critique aussi parce que on l'a beaucoup vu tourner, on l'a beaucoup expérimenté ce langage. Par exemple, je trouve qu'il est beaucoup trop facile de faire des choses sophistiquées. Parce que justement, tout est là, il n'y a qu'à. Je suis en train de réfléchir à le faire évoluer pour que peut-être ce soit pas si facile que ça, hein, qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient plus pas par défaut justement, mais pas optionnel. Au bout d'un moment, vous avez des programmeurs qui développent des usines à gaz extrêmement complexes avec beaucoup trop de choses qui tournent en parallèle. Enfin bref, vous avez en fait quelque chose qui dépasse la mémoire à court terme d'un être humain moyen, même d'ailleurs pas forcément moyen, des gens très très forts, et donc vous avez des choses qui explosent en vol. Ça a peut-être été trop loin, la facilité avec laquelle on peut lancer plein de trucs en parallèle qui s'appellent les uns les autres, qui s'interrompent les uns en même temps que les autres. Mais il y a une réponse qui est de brider un petit peu en mettant des choses qui sont en défaut, les mettre en option, etc. Et puis il y a aussi une autre réponse classique dans tout programme, dans tout langage, et en particulier dans tout nouveau paradigme de programmation, parce que c'est un peu ça, là, c'est de proposer aussi des design patterns, des façons de coder, des bonnes pratiques. Voilà. Et ça, c'est inhérent au fait que le langage propose une autre façon de programmer. Vous avez des langages, je sais pas, comme Camel ou... Il y a des gens qui écrivent des boucles fortes, et tout comme ça, qui sont dans une logique très classique. Le langage, il n'a pas été fait pour ça. Donc il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Et c'est un langage encore très très très jeune. Il a, je sais pas, 6-7 ans, c'est un enfant, il n'existe pas. Là. Donc il y a encore énormément de choses à structurer autour de ça. À côté middleware, donc tous ces composants, ces objets C++, ce qui est sympa, c'est qu'on peut les distribuer sur le réseau, ils peuvent se déplacer dans le robot, à l'extérieur du robot, etc. Et du point de vue langage de script, c'est complètement transparent. Et voilà. Donc on arrive à faire des jolies choses en termes de code compact, où on va pouvoir écrire un algorithme de tracking de balles ou choses comme ça en 2-3 lignes. Alors évidemment, derrière ces 2-3 lignes, il y a plein de code, hein. On n'est pas naïf, mais c'est beaucoup plus lisible et c'est beaucoup plus maintenable en tout cas. Il est intégré dans le robot d'Aldébaran par défaut, oui. Il est intégré aussi dans le robot que Ghostai a développé, qui s'appelle Jazz, qui est un robot de téléprésence mobile. Voilà, parce qu'on a aussi fait des robots, enfin, c'est une longue histoire. Mais ensuite, pour que ça devienne l'ambition de départ un peu folle qui était Microsoft de la robotique, il faut ensuite qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup d'efforts marketing, beaucoup d'investissements. Ça reste vrai. Il y a une nouvelle importante, c'est que on l'a passé récemment en BSD. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais c'est une licence open source, très permissive. En gros, ça permet d'utiliser Ruby ou VBScript dans n'importe quel contexte, y compris des applications commerciales, sans rien demander à personne. Et voilà, ça aussi, ça peut participer aussi de la démocratisation du langage, mais voilà, ça prend du temps. Et la proposition business, si on veut parler de ça, au départ, c'était de vendre des licences d'Ruby pour mettre dans les robots. C'est très dur en fait de gagner sa vie sur un marché qui est émergent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs et en général ils sont assez jeunes donc ils n'ont pas beaucoup de volume de vente. Donc du coup, vendre des licences pour un soft sur des gens qui essaient de vendre des robots mais qui ne sont pas très nombreux, etc. Enfin bon, ça ne génère pas suffisamment d'argent. Donc on a très vite évolué au bout de 2 ans vers ok, il faut qu'on fasse un produit complet qui veut dire donc un robot. Qui soit une proposition de service, un produit quoi, voilà, adressé à un marché final. Et ce produit, c'était Jazz. Le marché, c'est la téléprésence mobile, donc la possibilité d'avoir. C'est comme si vous voulez, c'est quand même un appel Skype, sauf que ça se passe sur un robot, donc vous pouvez en plus vous déplacer. Donc l'idée, c'est vous avez un avatar au bout du monde, ce robot, vous connectez dessus par internet, et vous allez voir ce qu'il voit, entendre ce qu'il entend, et vous allez pouvoir vous balader avec. Donc c'est vraiment comme un corps d'emprunt à distance et ça préfigure Avatar quoi, le film, mais ça préfigure voilà la capacité à voyager instantanément physiquement dans un environnement, peut-être demain avec des bras, des mains pour manipuler, donc avoir vraiment une vraie présence physique. Bien sûr, ça remplacera pas la présence humaine, enfin ça dépend le type de raison qu'on a de voyager. Mais un gars qui doit intervenir sur une chaîne de montage en Chine de manière régulière et qui peut le faire à distance à travers un automate, un robot, ça, commercialement, ça se lit bien, ça se comprend bien, ça peut se vendre relativement cher au début. Hein, c'est comme ça que ça démarre, des business B2B qui ensuite se démocratisent. Donc voilà plutôt au niveau commercial la stratégie, l'évolution de la stratégie pour la start-up que j'avais créée. Donc, Ruby a très vite été quelque chose qu'on ouvrait le plus possible. Et donc, la dernière étape, BSD.